doivent apprendre, comme les hommes, à se libérer de leurs problèmes. En prenant du temps dans leur vie pour vivre leur vie personnellement. Si elles sont seules, probablement avec un amant, probablement avec un ami, probablement en allant au théâtre seule, voir un film, se changer les idées. Les femmes ne sont aucunement créatives. Les femmes sont beaucoup moins créatives vis-à-vis leur vie personnelle que les hommes. Les hommes ont toutes sortes de petits machins chouettes pour se distraire. Si c'est pas des chouettes, ce sont des automobiles. Les automobiles, aller aux courses, je sais pas moi, construction. Mais les femmes, c'est toujours autour des enfants, la popote, la cuisine, les enfants, les couches, la popote, la cuisine, les enfants, les couches. Quand tu fais ça pendant 15 ans, tu viens vers l'eau. Les femmes doivent apprendre un peu de la vie, de s'accaparer un peu de la vie et de mettre leurs enfants dans les mains des gardiennes. Il y a toujours moyen de moyenner dans la vie, tout le temps. Il y a des gens qui ont une très basse moyenne. Très basse moyenne. Et souvent, ces femmes-là sont vexées quand elles voient des femmes à côté qui s'amusent, qui se pomponnent, puis qui sortent, ou qui vont au cinéma, ou qui vont faire des petits voyages. Ça les frustre. La femme est prisonnière de ses enfants. Et la femme consciente ne peut pas être prisonnière de ses enfants. Moi, j'ai une fille, et jamais ma fille rendra ma femme prisonnière. Jamais. Jamais. Pourtant, elle est petite. 8 ans, c'est pas vieux. Elle va avoir 9 ans. Là. Mais ma femme l'habitue à prendre soin de la maison, à garder la maison. C'est une grande maison. Elle a gardé la maison seule le soir. Si elle va au restaurant, puis elle fait exprès pour aller au restaurant pour que la petite apprenne à garder la maison toute seule. Mais si tu n'apprends jamais un enfant à garder la maison toute seule, il gardera jamais la maison toute seule. Vous dites, j'ai peur. Un enfant, c'est pas stupide rendu à 9 ans. Et ce qui retarde l'évolution de la femme, c'est son attachement à ses enfants. Je parle d'une certaine catégorie de femmes, là. Ce qui retarde l'évolution de la femme, c'est son attachement forcené à ses enfants. Autant ce qui retarde l'évolution de l'homme, c'est son attache forcenée à ses affaires. Les affaires dans la vie d'un homme, il faut que ce soit un plaisir. La vie familiale pour une femme, il faut que ce soit un plaisir. Les enfants sont plaisants. Quand ils sont plaisants, mais quand ils sont pas plaisants, ils sont pas plaisants. Quand ils sont pas plaisants, il faut que tu crées une situation pour que toi, tu relaxes. Mais il y a des femmes qui vivent avec des enfants, 2-3 enfants, à partir de 7 heures du matin jusqu'à 9 heures du soir. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Et une femme qui vit une vie comme ça, c'est pas une femme intelligente. La femme a droit de vie autant que l'homme, même s'il a des enfants, mais elle doit trouver des formules qui conviennent à son intelligence. Ce ne seront pas nécessairement des formules qui conviennent à la belle-mère. C'est très important pour l'homme en évolution, homme ou femme, une fois qu'ils ont commencé à sentir la vibration, qu'ils ont besoin de cette... qu'ils vivent de cette énergie, de réaliser, de se créer des façons de vivre qui conviennent à leur calme, à leur paix, à leur plaisir, à leur relaxation. Vous ne pouvez pas vivre dans une vapeur constamment. Être bien. Vous pouvez le rationaliser si vous voulez, mais ça, c'est de vos affaires. « on ne peut pas, on peut, tant qu'on est inconscient, être esclave d'une, d'une condition. Mais quand on se conscientise, on ne peut plus être esclave d'une condition parce qu'on souffre trop. Et je vous assure qu'une femme qui se conscientise en arrive à souffrir de ses enfants. Comme un homme qui se conscientise en arrive à souffrir de ses affaires. Vous avez un exemple parfait avec Bernard Labelle. J'ai rendu qu'il ne veut plus servir des gens inconscients dans son garage. C'est créer des tensions. Vibratoirement, c'est créer des tensions. Donc, quand tu es rendu que tu es un garage, que tu ne veux plus servir des gens conscients, des gens inconscients, tu commences à être pas mal névrosé. C'est un signe à ce moment-là qu'il faut que tu organises ta vie en fonction d'une autre façon de travailler pour que tu puisses continuer à travailler dans ton garage, mais avoir le plaisir de travailler dans ton garage en servant des gens conscients. Ça va loin, la conscience. Là, je parle, je vous donne un exemple comme ça en passant, mais ça va très loin. C'est la même chose avec vos enfants. Si vous n'êtes pas encore dans la vibration, vous pouvez faire du 7 à 9. Mais quand vous allez dans la vibration, vous ne pourrez plus faire du 7 à 9. Et si vos enfants sont trop difficiles sur vos nerfs, s'ils sont faciles, ça marche. Vous pouvez en faire du 7 à 9, vous avez du plaisir, ça marche. Quand il y a de l'harmonie, il y a de l'harmonie. C'est quand il n'y a plus d'harmonie, parce que les enfants, c'est comme les adultes, les enfants ont des changements vibratoires aussi. Ils ont leur petite période, ils ont leur caractère. Mais les femmes s'imaginent, eux autres, qui sont obligées de les supporter, de supporter leur petit caractère. Tu le supportes tant que tu veux, mais quand tu ne veux plus, tu ne le supportes plus. Mais les femmes n'ont pas la carence pour briser ça. Parce que les femmes ont été éduquées pendant des siècles à être des maris torchons. Et une femme intelligente ne peut pas être mari torchon. Ni pour le mari, ni pour les torchons, les enfants. Je vous l'assure. Et vous le verrez demain. Pas demain matin. Demain. Tous les êtres ont droit de vie, même les parents. Moi, quand ma fille est venue au monde, j'ai passé par Montréal et nous sommes allés chez une de nos amies sur la rue Guy, qui avait un appartement. Et on a monté la petite en haut. J'ai dit à ma femme, mets-le sur le couch. Il y avait un couch. J'ai dit, mets-y des oreillers autour. Elle va pas tomber, elle marche pas encore. Mets-y des oreillers. J'ai dit, nous autres, on s'en va pas manger un steak. Ça va donner des forces. Ben, t'inquiète, t'as pas habitué encore. T'inquiète. Mais vous tenez quoi? Attends, je dis, elle peut pas tomber des oreillers. Mets-y en quatre, si tu veux. Mais fais un barrage. Donne cette étine, là. Eh bien, langue de main, si tu veux, elle va vous mettre le feu. Ça. On est descendu en bas, on a mangé notre steak. Mais là, elle a mangé son steak, bien, elle est encore en haut. J'ai dit, je le savais, mais quand elle est en haut, j'ai dit, elle descend en bas, là, t'es en haut, là. J'ai dit, elle descend, cette, mange ton steak. On est le steak. Quand on est revenu en haut, la petite a dormi. J'ai fait ça pendant des mois de temps pour la déastraliser, pour la rendre mentale de sa situation. Pour pas qu'elle soit esclave de la petite. Puis une bonne chose, parce que ma petite, c'est pas un cadeau. Puis si elle avait été esclave de la petite, elle serait dans la tombe, vous le dites, la bonne femme. Parce que la petite, c'est pas un cadeau. 200 000 vols plus 3. Alors, les parents, les mères doivent être intelligentes avec leurs enfants. Je sais pas pourquoi ce qui me remène là-dedans, là, quand on a parlé d'autres choses, mais apparemment, c'est bien important. Ils disent que c'est très important parce que c'est ce qui retarde l'évolution de la femme, ses enfants. C'est ça qu'ils veulent dire. Ce qui retarde l'évolution de la femme, c'est ses enfants parce qu'elle ne sait pas comment élever ses enfants. De la même façon que ce qui retarde l'évolution de l'homme, c'est ses affaires. le grand pourcentage des femmes ne sont pas entreprenantes vis-à-vis de leurs enfants. Tu sais, le maternel, tu regardes des yeux, puis c'est ça. Ils sont fines, puis sont bonnes, puis ont de la patience, puis ont de la patience, puis ont de la patience. Ceux qui en ont plus, les enfants sont partis sans lui, ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Quand le dernier est parti au mariage, là, il pleure. Là, il cherche, il commence à se tricoter, parce que les femmes se tricotent les cheveux comme ça, ils se font des petites roulettes, là. Ça leur prend quelque temps pour s'habituer. Fait que si le bonhomme est pris dans ses affaires, puis elle n'a plus d'affaires à faire, là, elle est mal pris la bonne femme. C'est très important d'être dans son intelligence et apprendre rapidement comment vivre sa vie. Très important. Nos enfants ne peuvent pas retarder notre évolution. Ils ne doivent pas retarder notre évolution. Mais les femmes ont beaucoup trop de sentiments mal placés vis-à-vis leurs enfants. Ah, il y a des enfants, ça s'élève tout seul. Il y a des enfants, ça s'élève tout seul. Tu peux être avec eux autres tout le temps, c'est le fun. Mais il y a des enfants qui ne s'élèvent pas tout seul. Il y a des enfants qui élèvent les parents. Et ceux-là, je veux dire. C'est là, quand les enfants commencent à élever les parents, qu'il faut que tu prennes un break. Puis il y en a qui élèvent des parents 2 ans. Si vous ne prenez pas de break, vous ne pourrez pas changer l'énorme énergie astrale qui fait partie de la condition psychique et vibratoire de la femme en comparaison avec l'homme. Parce que la femme a beaucoup plus d'énergie astrale que l'homme à cause de son émotivité. Il s'agit pour les femmes de réaliser l'importance de vivre une certaine autonomie de vie, une certaine capacité de vie, une certaine capacité de déplacement, d'éloignement de leurs enfants. Pour prendre un break, aller au vu, aller chez eux. Mettre les petits dans les mains du bonhomme, de temps en temps. Ou d'une gardienne. Puis sortir avec le bonhomme. En amoureux. En attendant. Je suis consistant. Et les femmes ont beaucoup crainte de faire des erreurs dans l'éducation de leurs enfants. Comme les hommes ont beaucoup crainte de prendre de mauvaises décisions en affaires. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Mais faites quelque chose! Faites quelque chose! Alors, tout ça revient au phénomène du fait que la pensée viole le territoire psychique de l'homme. Les femmes sont violées, les hommes sont violés, chacun dans la catégorie de son expérience. Et dans les deux cas, ni l'un ni l'autre n'est capable de résoudre certains aspects de certains problèmes qui pourraient facilement être éliminés s'ils étaient plus à l'extérieur de leur pensée qui affecte leur émotion, s'ils étaient plus dans l'instantanéité de la vibration. Il Le début de la réalisation dans la vie que la vie nous appartient commence quand on commence à être capable de faire des mouvements sains subitement, des mouvements instantanés. Il vous passe la vibration d'un fin voyage. Quand vous êtes capable de prendre cette vibration-là, tout laisser tomber puis aller, c'est là que vous commencez à réaliser ceci. Quand vous êtes capable de prendre une décision vite, pourvu que vous ayez les moyens de cette décision, c'est là que vous commencez à réaliser une certaine autonomie de vie, plaisir de vie. Il y a des gens, ça ne leur viendra jamais à la tête de prendre des vacances. Ils n'ont jamais pensé à ça. Ou s'ils ont pensé, ils n'ont jamais réfléchi. Puis s'ils ont trop réfléchi, ils ont arrêté d'y penser. Des gens qui sont totalement libres. La mère enfant, c'est un exemple. Puis Guy, ils sont libres. Lui, il fait un bon salaire. Elle a strat. Mais elle strat tout le temps en ville. Elle strat en ville. Pas d'enfant. Ils sont gros durs. Puis là, ils projettent d'aller faire un petit voyage. Puis j'en ai parlé un jour. Ils disent, pourquoi vous allez faire un petit voyage? Allez faire un petit voyage. Crissez votre camp un peu. Ça ne leur est jamais venu dans l'idée, faire un petit voyage. Ou ça leur venait, puis ils mettaient ça en arrière. Vivez pour l'amour du bon Dieu. Et les gens se coupent de vivre pour toutes sortes de raisons, pensables et impensables, pensées puis pas pensées. Mais la vibration est toujours derrière. Il faut qu'on la saisisse, cette vibration-là. Pas la laisser passer, il faut qu'on la saisisse puis agir dessus. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de responsabilités, quand vous êtes libre. Quand vous avez beaucoup de responsabilités, mais il y a un temps, il y a un facteur de temps, mais il y a toujours façon, il y a toujours moyen de s'organiser. Il faut que vous balanciez vos vibrations. Et c'est ça que les gens ont le plus de difficulté de faire, c'est de balancer leurs vibrations. Vous ne pouvez pas toujours être dans le même état et faire toujours la même chose, puis la même chose, puis la même chose. Vous allez devenir gazé. Balancez vos vibrations. Il y a des gars qui n'ont jamais sorti leur femme depuis 10 ans des restaurants pour manger une patate frite. Un crisse de bout. Ils ont toujours une raison. Ah, je suis fatigué. Avec la bonne femme, elle n'est pas trop argumentative, mais elle reste à la maison, pas à la maison. Sortez-les, vos femmes. Amenez-les prendre une patate frite. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait à manger une patate frite avec vos femmes. Il y a des hommes qui ne sont pas capables. Ils pensent pas à leurs femmes. Ils vont penser à leurs enfants. Leur femme est tellement fine, elle est toujours là. Il s'en occupe pas, elle est là. C'est comme une peinture sur le mur. Des vrais saints. Il parle de la sainte famille, c'est pas à cause du bonhomme, c'est surtout à cause de la bonne femme, la sainte famille. Pense pas à leur femme, ça, c'est pas parce qu'ils veulent pas, puis qu'ils sont pas fins, et ainsi de suite, puis qu'ils aiment pas, au contraire. Mais ça leur vient pas à l'esprit de sortir leur femme et de payer une patate frite. Ça, c'est la faute des femmes. Parce que les femmes n'ont jamais su se faire payer une patate frite. Tu sais, c'est toujours des... Il y a toujours deux côtés de médaille. Moi, depuis que j'ai commencé à payer des patates frites à ma femme, j'arrête plus. Sacrement, tout rendu un restaurant. Mais elle balance ses vibrations. Pensez-vous qu'elle reste à la maison toute la fin de semaine à m'attendre comme une niaiseuse? Non, ça, elle sort avec la petite, puis elle s'amuse. C'est bien important. Ils disent qu'un des plus grands problèmes des gens, là, je parle pas des gens inconscients, là. Il y en a trop sur la tête. Mais un des plus grands problèmes des gens qui se conscientisent, c'est qu'ils ne savent pas balancer leurs vibrations. Et balancer ces vibrations, ça veut dire changer d'éther, faire d'autres choses. Puis imaginez-vous pas que ça coûte cher, nécessairement. Si vous êtes chez vous, vous allez dans un restaurant, au coin de la rue, quelque part, allez regarder des magasins, ça change vos vibrations. Parce qu'il va venir un temps que vous allez tellement être vibrant en dedans, vous allez être obligé de changer vos vibrations, vous allez monter au mur, les murs comme des chats siamois. Vous allez être obligé de changer vos vibrations. Puis plus on se conscientise, plus on est obligé de changer nos vibrations, balancer nos vibrations. Plus on est conscient, plus on balance nos vibrations. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devient, ça fait partie de la vie de balancer des vibrations. Les hommes, eux autres, s'en vont sur la job. C'est évident, ils s'en vont sur la job, ils sont dans le public, ils viennent à la maison le soir, ils veulent rester à la maison. La femme, elle, est à la maison tout le temps. Elle veut sortir. Fait qu'il faut que vous trouviez un juste milieu là-dedans. Au moins, fait qu'il y a une fin de semaine où vous avez une chance de balancer vos vibrations. Sortez votre femme. C'est pas exigeant, une femme. Une bonne femme de famille, une bonne mère de famille, c'est pas exigeant. Vous voulez que vos femmes aient de l'aplomb, puis qu'il y ait un petit peu de couleur sur les joues, puis qu'il y ait un petit peu de vie dans le corps, au lieu d'avoir toujours des torchons dans les yeux. Sortez-les. En tout cas, je sais que j'ai raison. Mais ça, c'est une condition naturelle de l'involution, c'est une condition naturelle de l'inconscience sociale à cause du climat social, de la façon qu'on vit nos vies aujourd'hui. Mais dès que l'homme se conscientise et que la femme se conscientise, les deux requièrent une atmosphère neuve dans leur vie. Les deux requièrent quelque chose, ils requièrent du mouvement. Constamment, constamment, constamment, constamment. Ils requièrent, puis je me suis aperçu que des gens, on va prendre Bessette puis sa femme, Bessette, il est toujours en mouvement. Il se promène. Il est chez eux, il travaille. Puis il va faire un petit tour ici. Puis il est pas jeune, Bessette. Il va être 104 bien vite. Il se promène. Il sort avec sa femme. Sa femme. C'est leur plaisir. Qu'est-ce qui nous reste dans la vie après un certain moment quand on rentre dans conscience que de faire des mouvements, puis se rencontrer, puis aller dans un restaurant. Il ne reste plus. Parce qu'on vit, quand on est conscient, on n'est plus intéressé à la vie comme on était avant. Plus la même chose. C'est une autre vibration. On est intéressé à des amitiés. Il y en a qui vont dans le Nord et qui vont se rencontrer dans le Nord. Il y a tout un mouvement qui se fait, là. Fait que ça balance tes vibrations. Le fait d'aller dans le Nord, ça change tes vibrations. C'est pas si loin que ça, le Nord. C'est 1h30 d'ici. Il y a toutes sortes de mouvements qui se font de la part de certains individus. Des gens qui se rencontrent ensemble, qui écoutent des cassettes des fois, qui jasent des cassettes. Balance tes vibrations. Il faut que vous changez votre éther, constamment changez votre éther. Puis ça fait partie de l'ordre de la vie. Ça fait partie de l'intelligence de la vie. Un homme qui ne balance pas ses vibrations, éventuellement, il va souffrir de tensions vibratoires trop grandes. Il va sauter. Ça fait partie de la conscience, de balancer ses vibrations. Y en a-t-il qui comprennent pas ce que je veux dire par balancer les vibrations? Je pourrais l'expliquer d'une autre façon. Puis y en a qui veulent aller vivre dans la campagne, dans le Nord. Vous allez vivre dans le Nord, dans la campagne, vous êtes mieux balancer vos vibrations parce que rendu là-bas, vous allez monter les murs. C'est pas grand-chose à faire d'une campagne. Des arbres, c'est bien beau, des pit-pit, des moineaux. Mais après deux jours, là... Toi, t'es rendu pit-pit. En ville, ça va, parce que vous avez toutes sortes d'activités en ville qui... des impressions énormes que vous recevez constamment. Mais en campagne, Moi, je me considère un homme conscient, puis après un certain moment, j'aime bien ça chez nous, mais il faut que je prenne une petite marche, puis faut que j'aille à Saint-Hélène acheter une crème glacée, parce que je te jure que... C'est too much! C'est pas comme quand on est inconscient, on vient, on est comme des cordes de violon. T'es obligé de balancer tes vibrations. Je vais faire un petit tour chez Gisèle, je vais manger chez Gisèle, ça balance mes vibrations. En mouvement, en mouvement. Je suis, ma femme n'est pas chez nous après-midi. Garanti. Ça, c'est en campagne. Puis il y en a bien parmi vous autres qui vont aller à la campagne avec le temps. Ça vient, c'est la conscience de la campagne. Mais si vous allez à la campagne avant le temps, vous êtes mieux vous acheter des bouées pour vous tenir au sol. Parce que quand t'es astral, t'es en campagne, la nature, il y en a la nature, des petits pit-pit, puis ils se promènent, là, sont tous, ils ont l'air des vrais fous, t'sais. Ils trouvent ça beau, les montagnes. Tu trouves ça beau, les montagnes, quand tant que t'as assez d'énergie astrale, les pit-pit, puis l'arbre, puis tout. Mais quand tu vas être bien mental, les montagnes, les oiseaux sont là, c'est correct, ils font leur job. Mais tu vis pas de ça. Tu vis du calme de l'environnement dans ce temps-là. Mais les pit-pit, là, les écureuils, t'as plus la même vibration, t'as plus la même relation avec la nature. Fait que si t'es pas capable de balancer les vibrations quand t'es dans cette énergie-là, là, pit-pit, pas pit-pit, toi tu deviens pit-pit. Parce que dans ce temps-là, t'es plus capable de vivre en ville. Il y a trop de bruit en ville. Là, vous êtes capable de vivre en ville, c'est le fun. Il y en a qui ne sortira pas de ville tant qu'ils aiment ça. Je comprends, c'est normal. Chacun a sa bouteille de lait. Mais éventuellement, vous serez plus capable de vivre en ville, dehors, des tensions. Attention. 5 ans, il s'en passe, d'eau en dessous du pont dans 5 ans. On change en maudit dans 5 ans. Comment ça fait de temps, vous autres, fin d'an? Hein? Vous avez changé plus d'un an que toute votre vie, mais tout dans 5 ans. Dans 10 ans, vous parlez pas de la ville. Vous allez en ville pour faire vos affaires, vous revenez tout de suite. Moi, je vais en ville, vous restez une demi-heure, vous remontez. Parce qu'il n'y a plus rien là, vibratoirement, pour ton astral. Fait qu'il faut que tu balances tes vibrations chez vous. C'est bien important que vous appreniez à balancer vos vibrations et à commencer à sortir de votre coquille pour vous habituer petit à petit à explorer d'autres aspects de votre environnement matériel pour que plus tard vous puissiez être constamment en mouvement. Ça, c'est intéressant, je veux parler de ça. Le mysticisme oriental nous a enseigné, puis le monasticisme chrétien, tout ça. Ils nous ont enseigné que la situation idéale pour l'homme, c'est d'être assis sur ses deux fesses. Puis en état de méditation intérieure. Ça, c'est bon quand tu es astral et tu es spirituel. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous allez être rendu dans le mental, puis vous n'êtes plus astral, spirituel, vous allez être constamment en mouvement. Fait que c'est l'opposé complet. Vous n'arrêterez plus. Vous allez être constamment en mouvement. Vous n'arrêterez plus. Parce que là, le mouvement ne sera plus créé par votre ego. Il va être créé par l'énergie à travers votre ego. Si vous n'avez bien cette énergie-là à travers votre ego, votre ego va être obligé de la canaliser, cette énergie-là. Fait que vous allez être en mouvement tout le temps. Parce que l'énergie pousse, pousse, pousse. Quand vous êtes mystique et astral, vous êtes souvent en dessous d'un arbre comme Bouddha, vous restez là pendant 2000 ans, ça marche, ça c'est un état. Il y en a d'autres après ça. Rendu à la conscience supramentale, il ne pousse plus de racines dans les fesses. C'est pour ça que je vous indique l'importance de réaliser ça aujourd'hui, de balancer vos vibrations. Que vous soyez n'importe où. Puis ceux qui ont le plus de difficulté à réaliser ça, ce sont les femmes. Puis balancer ses vibrations, c'est pas toujours être nerveux et être obligé de faire quelque chose. Il y a des femmes, ça n'arrête pas. Tu rentres chez eux, tu mets la cigarette dans le cendrier, ils viennent avec le torchon puis nettoyer le cendrier. Ça fait la propriété canadienne-française. C'est spick and span. Monsieur Net, il n'est pas couché en dessous du drap, c'est juste. Nos tantes, là, tu sais. C'est propre. Tu rentres d'une maison, tu rentres d'une autre maison, elles sont toutes pareilles. Spick and span. C'est pas ça. Toi, après grimper des murs, des rideaux. C'est pas ça. Balancer ses vibrations. Balancer ses vibrations, c'est pour soi. Pas pour la maison, nettoyer la maison pour le bonhomme, pour qu'il soit content. Ben, tu peux lâcher la crise de maison, laisse la mettre un petit peu de poussière, puis engager une fille de temps en temps à venir nettoyer pendant que vous allez au vu. C'est ça, balancer ses vibrations. Je le fais le point parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont partir à soir et qui vont faire le balai, comprends-tu, puis leur passage. Puis, c'est pas balancer ses vibrations, ça, c'est s'épuiser. Il y a une différence entre s'épuiser et balancer ses vibrations. Balancer ses vibrations, c'est relaxer. Puis il y a une différence entre le repos et la relaxation. Si tu vas en voyage, tu te reposes pas. Tu te relaxes. Il n'y a personne qui va me dire qu'il est en voyage, tu t'es reposé, c'est pas vrai. Pas vrai. Vous vous êtes relaxé en voyage. Très bon, relaxé. Si vous voulez vous reposer, c'est chez vous que vous vous reposez, dans votre environnement où vous êtes dans votre état-là, tu te reposes. Mais quand tu t'es reposé, faut que tu te relaxes. Après. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Après le repos, tu te relaxes. Le repos, c'est pas une relaxation. Le repos, c'est le repos. C'est un arrêt. La relaxation, c'est un mouvement à notre rythme. C'est ça, la relaxation. Quand tu te reposes chez vous, correct. Puis ensuite, tu te relaxes ailleurs. Bien, il y en a qui se reposent chez eux, puis qui se relaxent chez eux. Fait que tu comprends que... Mande-toi pas pour qu'on ait une heure étirée. Tu te reposes chez vous dans ton état, puis tu te relaxes dans un autre état, puis tu reviens chez vous dans ton état, puis tu te relaxes dans un autre état. C'est ça, balancer ses vibrations. Là, ils disent que je vous l'ai dit bien clairement comment c'est que c'est. C'est de même que c'est. Fait que tu peux pas toujours te relaxer, tu peux pas toujours être à l'extérieur de chez vous, puis tu peux pas toujours être chez vous. Il y en a qui sont toujours chez eux, puis il y en a d'autres qui sont toujours à l'extérieur de chez eux. Faut que tu fasses les deux. Faut que tu te relaxes, puis tu te reposes. Tu te relaxes, puis tu te reposes. Ça a une vibration très différente. Quand tu te reposes pour ton corps physique, quand tu te relaxes pour ton mental. Te relaxer, c'est pour ton mental. Tu vas chercher des impressions neuves. Ça te relaxe. En voyage, tu vas chercher des impressions neuves. Mais quand tu te reposes, c'est pour ton corps physique. C'est pas pour ton esprit quand tu te reposes. Pour ton corps physique. Pour ton corps vital et ton corps physique. La relaxation, c'est pour le corps astral et le corps mental. Les deux parties. Bien important, ça. C'est bien important. Tout c'est important que n'importe quoi. Ils disent que c'est important de comprendre la différence entre la relaxation et le repos. Si vous vous reposez trop, vous ne pourrez pas dormir. Parce que ça, il faut que ça marche. Fait que ça va marcher tellement, vous ne pourrez pas dormir. Fait qu'il faut que vous le fatiguiez, ça. Comment vous le fatiguez? En sortant. Vous avez l'impression, arrivez chez vous, couchez, posez, pas. Bien important de balancer ses vibrations. Et comme on n'est pas dans l'intelligence suffisamment avancée, on ne réalise pas ces choses-là, ou on les fait mécaniquement, ou on les fait à l'envers, ou on les fait croche. Mais quand tu commences à être dans ton intelligence, puis tu es bien centrique, là, puis tu veux te reposer, puis tu fais tout pour te reposer. Fait que si tu as des petits à maison, tu peux pas te reposer. Tu les envoies chez la gardienne. Je vous donne un exemple, là, je veux pas dire ça. Si tu veux te reposer, tu as besoin de te reposer, mais les petits sont là. L'état d'un enfant, je parle pas des enfants qui sont tranquilles, là, je parle des enfants qui sont un petit peu bouillonneux. L'état d'un enfant qui est bouillonneux, même s'il est en bas dans le cave, vous allez le sentir en haut dans le salon. Ça sent un enfant. Il y a une présence. Puis, si tu le mets dehors, tu le sens un petit peu moins. Mais tu le sens pareil, tu vas avoir une petite tension qui va rentrer, il dit, mais je t'envoie un verre de lait. T'es sur une tension. Tu crises le verre de lait, il est là quelque part, même si tu te reposes. Mais si il est sa voisine à côté, là, à ce moment-là, tu reposes. Ou tu relaxes. Fait que pour les femmes, ils disent, quand vous voulez vous reposer, coupez les responsabilités. faut que vous éliminiez ce qui vous crée de la responsabilité, si vous voulez vous reposer. Si vous voulez vous relaxer, vous pouvez aller avec vos enfants, si c'est comme du monde. Ça va être le fun pour eux autres, ça va être le fun pour vous. Les enfants prennent énormément de présence dans la vie des femmes, des mères. Énormément de présence. Et les femmes ne savent pas couper cette présence. Et les femmes doivent apprendre à la couper, cette présence-là. Pour prendre un break. Pas attendre que le soir quand les enfants sont couchés. Parce qu'une femme doit sortir le jour, prendre du soleil, aller dans les plazas, aller voir les magasins. Tout ça est en fonction avec l'effet de vos pensées sur le mental. Vous aurez des pensées qui vous empêcheront de faire ça, qui vous créeront des inquiétudes, ainsi de suite. Il faut que vous le contrôliez, ça. Parce que un être humain doit être autonome. Et s'il est intelligent, il est capable de s'en créer de l'autonomie dans sa vie, même chez les enfants. Seulement, il faut qu'ils réorganisent sa vie. Il y a des gens qui n'ont pas réorganisé leur vie depuis qu'ils sont mariés. Ils vivent leur vie aujourd'hui comme ils étaient quand ils sont mariés. Il faut que tu réorganises ça, une vie, t'ajustes ça, une vie. Tu as des enfants qui grandissent, tu as des enfants qui sont moins petits. Il y a des mariages où la femme n'a plus d'enfants, elles sont toutes mariées, puis elle est encore à la maison. Il faut que ça s'organise, une vie. Une vie à la maison, c'est comme une job. Il faut que tu t'organises ça, ta job. Il y a des femmes qui ont le même pattern de vie depuis 15 ans. Comment est-ce que tu veux que ces femmes-là se sentent bien dans leur peau, se sentent féminines, se sentent légères, se sentent autonomes? On est habitué de vivre en fonction des autres. Puis les mères de famille sont habituées de vivre en fonction des enfants. Tu peux pas vivre en fonction des enfants. Si tu vis en fonction de tes enfants, tu ne peux pas vivre ta vie et tes enfants ne bénéficieront pas de ta vie. Tu peux pas vivre en fonction de tes enfants. Tes enfants, il faut qu'ils t'apportent quelque chose dans la vie. Puis s'ils t'apportent pas quelque chose dans la vie, il faut que tu prennes un break de temps en temps pour te l'apporter à toi-même. Faut qu'il y ait un échange entre les enfants et les parents. Les pays, c'est pas tellement un problème, ils sont à l'extérieur, mais les mères, c'est important qu'il y ait un échange. Mais il faut qu'on connaisse. Faut qu'on connaisse suffisamment les lois de l'intelligence. Faut qu'on connaisse suffisamment les lois de la vie pour le créer, cet échange-là. Faut qu'on le crée, cet échange-là. Comme moi, je vais vous dire, je voudrais pas être une femme aujourd'hui inconsciente. Une femme consciente, ça me dérangera pas. Mais une femme inconsciente, je voudrais pas être ça. Parce que je te dis qu'il y en a qui mènent des petites vies. Il y en a qui ont des belles vies, il y en a qui ont des vies plaisantes, qui ont des bons maris, ainsi de suite. Mais ça a été tough pareil. Les femmes de la vieille école, de l'ancienneté, parlent pas trop. Le mari est fort de caractère, puis elle ne parle pas trop. Ah, tiens, ça, elle garde dans son trou. Mais il y a des femmes un petit peu plus jeunes, un petit peu plus dans la nouvelle psychologie. Je te dis qu'ils peuvent pas rester dans leur trou de même. Des anciennes femmes, des bonnes femmes, là, de 40 ans, 35 ans, les femmes de l'ancienne génération québécoise. Mais les nouvelles, les jeunes, je te jure que Ah, c'est pas tellement avec eux autres le problème, c'est avec les anciennes, les femmes d'un certain âge. Faut que les maris réalisent que ces femmes-là ont en eux un potentiel de vie, un potentiel de plaisir, un potentiel de s'amuser, selon leur âge, leur psychologie, leurs caractéristiques. Ils ont un potentiel, ces femmes-là. Mais souvent, à cause de leur tempérament, de leur psychologie ancienne, ils vont pas l'exploiter. Cependant, ils disent rien. C'est comme s'ils sont conditionnés, ils sont habitués de même. Ça fait 20 ans de même. Ça fait 20 ans qu'on est mariés. 40 ans qu'on est mariés. Ils sont habitués de même. Mais sortez-les, vos femmes, un soir, puis achetez-leur une belle petite robe, puis des petits souliers, puis mettez-les dans un taxi, puis allez dans un film, puis allez prendre un drink, je sais pas, quelque part. Vous allez voir que il y a une nouvelle relation qui va se développer entre vous et vos femmes. C'est vibrant, une femme. Mais souvent, les femmes, leur vibration, ils les gardent en dedans, ils les gardent en dedans, puis éventuellement, c'est comme une fleur, elle se défane. Elle est toujours belle, mais elle se défane pareil. Puis je peux pas blâmer les hommes plus que les femmes, parce que les femmes sont aussi responsables que les hommes. Les hommes de l'ancienne génération sont dans le même moule que les femmes de l'ancienne génération. Ce qu'ils font, ils le font pas par mauvaise volonté ou par manque de préséance, plus que les femmes le font par incapacité. C'est un moule. Ça fait partie de la psychologie inconsciente. Mais quand tu commences à te conscientiser, là, tu t'aperçois que, wow, c'est plus pareil. Après là, on vous relaxez dans la vie un peu. Puis, avec le développement de vibratoire de vos consciences personnelles, de votre intelligence, et ça le mot conscience, de votre intelligence, vous allez sentir le besoin, puis vous allez faire prévaloir le besoin. Puis c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vivre un petit peu, puis à socialiser entre vous autres. Là, vous allez avoir du fun. Je t'apprends à parler à eux autres de balancer, l'affaire de balancer, tu comprends-tu? De balancer les vibrations, comment c'est important dans nos vies de balancer nos vibrations, De l'énergie, ça ne doit pas se contenir en dedans de soi. Ça doit constamment être canalisé de l'énergie. Constamment. C'est ça qui nous garde jeunes. C'est ça qui nous garde jeunes. Il faut que ça soit toujours canalisé. Ils disent qu'on ne devrait jamais égoïquement arrêter un mouvement vibratoire. Jamais. Puis on le fait constamment, ça. Surtout les anciennes générations. On ne devrait jamais arrêter un mouvement vibratoire. T'as le goût de. On devrait le faire. Lui, le Gilles Machin, il a le goût de s'acheter un avion. Là. C'est un pilote, là. Il a le goût de s'acheter un avion. Il a le goût. Il va se l'acheter, son avion. L'énergie passe. Il va regarder. Il va s'en acheter, l'avion. On doit canaliser constamment nos vibrations. On ne doit pas arrêter le mouvement vibratoire. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se coupe de l'expérience. Puis c'est à ce moment-là qu'on amoindrit notre vie. Qu'on ternit notre écran mental. Notre écran émotionnel, on le ternit. Mais c'est quand vous allez sentir l'énergie de la vibration, puis que votre ego sera pas là pour bloquer cette énergie-là, que vous allez comprendre ce que je veux dire, puis que vous allez commencer à enchaîner dans cette vibration-là. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a des mouvements, vous allez en faire, puis c'est pour ça que, à ce moment-là, vous allez être obligé, à cause de cette pression créée par les mouvements, vous allez être obligé de vous rencontrer, puis jaser, puis prendre un drink ensemble, puis socialiser, puis aller chez elle. Vous achetez des patates frites. Vous allez comprendre la relation entre le repos et la relaxation et la différence énorme entre les deux. Il y a une très grande différence entre le repos et la relaxation. Très grande.